On va parler avec notre ami Simon Boisvert. On a parlé avec beaucoup de monde depuis le congédiement de Marc Bergevin et également Scott Menembe. Et pas Scott Menembe, mais Trevor Timmons. Salut Simon. Salut Danny. Simon, avant de commencer, parce que la raison principale pourquoi je t'appelle, c'est suite à une entrevue que Martin Leclerc a donnée au 91.9 hier. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Comment tu as trouvé tous les mouvements de personnages chez le Canadien cette semaine? Ben, moi, j'ai toujours bien aimé Jeff Gorton. OK. Pour ce qu'on a vu surtout chez les Rangers, parce qu'il a été adjoint à Boston pendant une très courte période de temps. Il a fait le bon échange là, d'Andrew Raycroft pour Tukarask. Mais avec les Rangers, moi, j'ai aimé le fait qu'il a quand même, en général, fait d'excellents échanges et il a bien parti la reconstruction des Rangers en liquidant tous les contrats qui devait liquider en moyennant quand même des retours assez raisonnables considérant ce que les joueurs valaient. Ouais. OK. Donc, c'est moi, en tout cas, moi, je ne pense pas que c'est Lou Lamoriello. Puis c'est pour ça que c'est pas un Lou Lamoriello, c'est pas Steve Yzerman, puis c'est pas l'Alex Antopoulos du hockey qui s'en est à Montréal. Moi, je pense que c'est mon opinion. Là. Tu sais, c'est. Et bref, on va en parler. Puis c'est pour ça que je t'appelle, parce que. Martin Leclerc, hier, avait un poste, dans son émission du matin au 91.9, il tient toujours un registre des joueurs à chaque année du nombre de joueurs repêchés par chaque organisation. Il additionne le nombre de joueurs de matchs joués par les joueurs repêchés. C'est de même qu'il y va avec son classement. C'est une façon d'évaluer ton directeur de ton recrutement. Et à la limite de ce que Martin dit, c'est que Jeff Gorton, c'est loin d'être le sauveur mentionné. Si on se fie à ce que les gens disent, Martin dit que Gordon avait un score pas mal moins élevé que Trevor Timmons. On sait comment Trevor Timmons était. C'était pas fort, là. Fait que, ouais, mais Gordon, tu l'as entendu aussi. Je l'ai fait entendre, ce qu'il voulait dire. Oui, je l'ai écouté. Puis, bon, évidemment que toutes les méthodes sont bonnes pour calculer. Il y en a qui vont dire que c'est le nombre de matchs joués. Il y en a qui vont dire ben ça va être le nombre de points. Tu sais, il y en a qui vont essayer de pondérer ça avec le rang de sélection. Fait que, tu sais, dans le fond, tout le monde a sa petite opinion dépendant de ce qu'on veut faire dire aux chiffres. Ceci étant dit, moi, ce que je retiens de Jeff Gorton, c'est deux choses. La première, c'est que selon les registres, il a été recruteur-chef à Boston de 95 à 99. Okay. Ensuite, il a été assistant directeur-gérant. Même chose à New York, et il est devenu directeur-gérant. Depuis qu'il est directeur-gérant, il a quand même eu 4 choix dans le top 10. Ce que je retiens là-dessus, c'est qu'il y a 2 choix, le numéro 7, Elias Anderson, et le numéro 9, Vitali Kravtsov, qui sont vraiment complètement ratés. Okay. Et ça, ce qui est difficile à dire pour un directeur-gérant, c'est dans quelle mesure on doit le louanger ou le blâmer pour un choix de repêchage. Surtout que dans les choix top 10, on sait que le directeur général va avoir son mot à dire. Mais comment il va avoir son mot à dire? Est-ce qu'il passe une commande sur le type de joueur qu'il veut? Ou est-ce qu'il est allé voir jouer les joueurs et dit « Moi, je veux celui-là. » Ce qu'on dit, puis ça, tu as une théorie avant de rentrer en onde, c'est que Marc Bergevin laissait beaucoup de latitude à Trevor Timmons lors du repêchage. Par contre, tu me dis que Michael McCarron, ça venait de Marc Bergevin, c'était un ordre de se grossir. Et Kéké, on peut penser que c'est un peu la même affaire, parce que moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si Kéké n'est pas un joueur de centre, il n'est pas repêché par le Canadien. Écoute, ça, on ne le saura jamais. Ça se peut que tu aies raison, mais mon point là-dedans, c'est que je ne sais pas si McCarron était une commande, mais le point, c'est que le Canadien voulait se grossir à ce moment-là. Donc, si tu es un fan de Timmons, tu vas être porté à dire que c'est une commande de Bergevin. Puis si tu n'aimes pas Timmons, tu vas dire que Timmons a fait un mauvais choix. Tu sais, on se sert beaucoup de ça. En 2007, Timmons a fait un repêchage incroyable, mais à ce moment-là, il y avait toute la latitude pour le faire. Mais en 2006, il a repêché David Fisher au lieu de Claude Giroux. Ouais. Puis là, on disait, ah, c'est Bob Gainey qui lui a dit que ça prenait un défenseur. Ah ouais? Okay. Moi, je vais te parler, je te dis ce qu'on raconte publiquement. Okay. Puis dans les médias. On raconte que, ça c'est dit aussi que Gal Chenyuk, le choix de Bergevin était Morgan Riley, qui avait déjà pas mal. Mais ça, Bergevin l'avait dit. Oui, mais ça, Bergevin l'avait dit publiquement. Ouais. Alors ça, on voit qu'en 2012, Bergevin a laissé faire Timmins. Là, ouais. On en a la preuve parce que Bergevin l'a dit. Bon. Moi, je peux te dire, de mon expérience, ma propre expérience, j'ai fait 4 repêchages à la table du hockey junior. C'est du hockey junior, tu vas me dire, mais... Le principe est le même. En 4 ans, on a reçu seulement une commande pour la première ronde. Okay. On ne s'est pas fait dire quel joueur prendre, mais on s'était fait donner une position précise qu'il fallait choisir parce que tu sais comment c'est au hockey junior. Il y a un gros roulement de joueurs, puis à un moment donné, ben, tu peux te retrouver que tu n'as pas assez de centre, tu n'as pas assez de défenseur, tu n'as pas assez d'ailier, puis là, ben, là tu as besoin d'en repêcher pour refaire le plein. Ça revient à ce qu'on dit avec les centres en 2018, puis c'est quoi? C'était en 2020 que les Canadiens ont fait le plein des défenseurs? C'est en 2020 ou 2019? Ouais. Et après ça, ils ont repêché plein de défenseurs. C'est 2019 qu'ils ont repêché 2019. Plein de défenseurs. OK, Harris, bon. Puis Goulet, pas Goulet, mais Strobel et Stuttgart. Okay. Ben, Norlinder, Strobel et compagnie. Bon. Ouais. Alors, vois-tu, c'est pour ça que Jeff Gorton, tant que tu n'es pas dans le meeting avec lui, que tu ne vois pas comment ça se passe, c'est très, très difficile de juger son travail par rapport au repêchage. Mais sous sa gouverne, on peut dire qu'il y a eu 2 choix ratés dans le top 10. Okay. Et pour les 2 autres, ben, on verra. Capo Caco, ça ne va pas très bien non plus. Mais Capo Caco, tout le monde l'aurait choisi 2e. Puis Lafrenière aussi. Ben, Lafrenière, de ce que j'ai vu, j'ai remarqué qu'il marque tout le temps à peu près le même genre de but. Il arrive à 2 contre 1, il se fait faire une passe, il a le filet ouvert. Crois-moi, dans ça là, il ne manque pas son coup. Ouais. Mais ce n'est pas un gars qui fabrique beaucoup de jeux. Il n'y a pas beaucoup de temps de glace. Et il y a des longues périodes où on le voit pas. Il est quand même très de bonheur, il a juste 20 ans. On va voir comment ça va se dérouler. Si un moment, il peut avoir plus de temps de jeu de puissance. Mais ça, de toute façon, Lafrenière, toutes les équipes l'auraient pris premier. Ben oui. Alors, mais moi, ce qui m'a dérangé dans le cas de Gorton, c'est les choix d'Anderson et de Kravtsov. Okay. Mais encore là, c'est toute sa faute ou c'est son recruteur-chef? Donc, c'est très, très bizarre. Est-ce que c'est lui? C'était pas lui qui était à la table des Bruins de Boston quand les Bruins avaient 3 choix de fil le moment donné, 13, 14, 15? C'était pas lui, hein? Non, c'était le frère de Wayne Gretzky, Keith, qui était recruteur-chef, et l'année d'après, il a perdu son poste. Okay. Et pourtant, Keith Gretzky a quand même fait des bons repêchages à Boston. Okay. Mais ça, c'était impardonnable, 13, 14, 15. T'as pas un des 3, là? T'en as pas un des 3. Il y a eu DeBrusk qui est pas si mal, mais vraiment, là, quand tu laisses passer les Connors, les Barzal, Thomas Chabot, Brock Besser, ça n'a aucun sens. Non, donc, Snake, toi, es-tu d'accord avec moi que c'est. Moi, on en prend dans la liste. Je dis pas que Jeff Gorton, c'est le. Ce sera pas bon. C'est pas ça que je dis. Mais avant de. Je dis, attendons. Moi, je pense pas que c'est le Lou Lamoriello. Calmons-nous. Là. C'est pas Lou Lamoriello qui s'en vient à Montréal. Puis c'est pas Steve Yzerman. Puis c'est pas l'Alex Antopoulos du hockey. Mais avant de dire que c'est pas bon. Puis c'est bon, moi, je dis, on va lui donner sa chance. Bref, c'est ça que. C'est ça que je pense. Puis dans quelques années, on fera le bilan. Ouais. Puis comme je t'ai dit, moi, à date, je suis plus positif que négatif par rapport à Gorton. Mais. Il se retrouve quand même dans une situation très difficile. Aux Rangers, là, il a fait des bons échanges avec la reconstruction, mais c'était des gars à qui il restait 1 an ou 2 de contrat. Là, tu regardes à Montréal, les Gallagher, Price et compagnie, Anderson, c'est des longs contrats. Alors moi, je pense qu'une reconstruction n'est pas vraiment possible parce qu'il n'y a personne qui va vouloir de ces contrats-là. Et simplement rajouter à tout ça, ça ne donnera rien parce que ce n'est pas une très bonne équipe. Moi, je crois que la seule voie de sortie pour Gorton, si j'étais à sa place, ça serait d'essayer d'échanger ces longs contrats-là en retour d'autres contrats semblables en espérant que ce soit toi qui ailles chercher le meilleur joueur des deux. Alors, j'appellerais des équipes qui n'aiment pas les contrats. Je te donne un exemple. Là. Ça ne veut rien dire là, ce que je te dis. C'est juste comme ça que ça me vient en tête. Mais mettons, au Buffalo, ils ne veulent plus de Jeff Skinner, mettons, à 9 millions. Jeff Skinner, c'est un bon joueur, mais il ne vaut pas 9 millions, il est payé 3 millions trop cher. Bon, ben admettons qu'un Canadien dit, ben es-tu prêt à prendre, je ne sais pas moi, Gallagher puis Jeff Petrie en retour de Jeff Skinner? Je ne te dis pas que Buffalo dirait oui, mais c'est un exemple de transaction que Gorton pourrait essayer de concocter. Mais dire à quelqu'un, prends Gallagher puis donne-moi un choix de première ronde, ça n'arrivera pas. Non, c'était le contrat aussi, au moins de prendre une grosse partie du salaire. Comme ben, j'ai hâte demain, si ça va bien, demain, je peux te parler au journaliste du Denver Post, Mike Witter. Lui, c'est lui qui a sorti, parce que évidemment, je suis au Lac-Saint-Jean, hein, fait que Samuel, c'est lui qui a sorti la nouvelle que Samuel Girard s'est sur le marché. Ça fait deux, trois semaines que je suis posé de lui parler, mais au final, ça a bien fait que ça tarde, parce que là, Patrick Roy arrive à Denver, arrive dans le décor, puis lui a travaillé sur le beat de l'Avalanche quand Patrick était le directeur, était l'entraîneur-chef. Puis là, ben, j'ai hâte de lui parler de ça. Mais bref, je vais lui parler aussi de Carey Price. Carey Price avec l'Avalanche. T'as regardé Cooper actuellement, ça fait quoi le job? Et Price pourrait être intéressant pour l'Avalanche. Dans la mesure où le Canadien est prêt à accepter des contrats en retour. Ouais. T'sais, je lis des gens sur les réseaux sociaux qui pensent que Price va valoir un premier choix puis un prospect. Écoute, ils l'ont donné à Seattle. Seattle n'en a pas voulu et il n'y a même pas une équipe qui a appelé Seattle pour dire ramasse Price puis échange-le nous. Il n'y a personne qui en voulait de Carey Price. Bon, mais c'est très ordinaire. Ce que moi, je suis vraiment pas été impressionné par Ron Francis lors du repêchage d'expansion. Là. Moi non plus. Vraiment pas. Là. Je ne sais pas. On ne sait pas tout. Peut-être que les propriétaires avaient donné ce mandat-là. Là. Mais quand tu es Amazon puis tu es des sièges sociaux, c'est des propriétaires extrêmement riches là, qui ont. Il n'a pas maximisé sa feuille blanche. Il y avait une feuille blanche au point de vue salaire, 81 millions. Il n'est pratiquement pas allé chercher de choix en retour. Écoute, Vegas avait fait un bien meilleur travail de ce côté-là en allant chercher trois choix en premier round. Écoute, ça a été vraiment catastrophique. On dirait qu'il y avait les deux pieds dans le ciment, Francis. Oui, OK. Snake, je veux te parler aussi de ce qu'on. Je veux que tu dises en ondes ce que tu me dis en dehors des ondes dimanche. Concernant un repêchage, très intéressant. Toi, tu dis là, que tu as 50 joueurs, bon an, mal an, par année, qui sont repêchés par repêchage. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une carrière. Ils vont avoir une carrière. Okay. Descendre dans la Ligue nationale. On ne parle pas de joueur qui joue 60 matchs. Là, ouais. Ça, mais, c'est quoi, minimum 300 matchs? Moi, je te dirais à peu près 300. Puis, tu regardes ça à peu près. Tu sais, les noms là, avec lesquels tu es familier, là, que tu vois à la télévision, là, pas les gars qui font la navette entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Là. Bon an, mal an, tu es à 50. Comme on prenait l'exemple de 2012, tu vois, qui est très ordinaire, là, parce que c'est Philippe Forsberg, on peut dire, le meilleur joueur de ce repêchage-là jusque-là? Ben, Vasilevski, évidemment. Oui, oui, mais. Comment okay. Vasilevski, c'est ça. Ouais. Alors, mais vois-tu, j'ai compté, là, puis je pense que j'arrive à peu près à 50 ou 51. Puis les meilleurs, c'est 60. Il n'y a pas une grosse différence. Quand on dit excellent, là, c'est quand on dit un excellent repêchage, là, une cuve incroyable, c'est probablement dans la qualité de tes joueurs, mais en réalité, au final, il va peut-être avoir 60 joueurs. C'est ça que tu veux dire? Écoute, la quantité, c'est toujours à peu près 50. Là. OK. Plus ou moins, là, quelques-uns. Je crois que la qualité d'un repêchage va être souvent déterminée par la qualité des 5 à 10 meilleurs joueurs. OK. Alors, tu regardes 2015, c'est absolument hallucinant. Mais en 2015, tu vas compter, il y a à peu près une cinquantaine de joueurs qui ont eu une carrière. Donc, ça fait une moyenne, là, avec 32 clubs, d'à peu près 1,5, 1,6 joueurs. Et Timmons, tu disais que Timmons était en quoi, de quoi, un point en ratio? Tu me l'as dit lundi, le ratio. Dimanche, tu m'as dit qu'on s'est parlé. Tu dis 1,5, c'était... Parce que moi, j'ai toujours su, écoute bien, moi, j'ai toujours su que tu es spécialiste du repêcheur, que normalement, un repêchage, ça doit te donner un joueur par équipe qui va jouer dans ton équipe. OK? Ça, c'est le minimum. Deux, c'est un bon repêchage. Oui. Et trois, c'est un excellent repêchage. Oui. Est-ce que je suis dans le coup quand je dis ça? Est-ce que je suis carrément sur la coche? Oui, parce que si on prend 50 joueurs par repêchage, okay. Ça veut dire que c'est à peu près 3 par 2 ans. OK. T'sais, parce que tu parles de 100 joueurs sur 2 ans divisé par 32 clubs, tu arrives à 3. Donc, ça, c'est la moyenne, 3. Mais si tu veux te démarquer puis gagner la coupe puis mériter ton salaire comme Timmons, qui était quand même très bien payé. Lui, il a vécu sur 2007, on s'entend pour dire ça. Là. Il a vécu longtemps sur 2007. Il faut que tu ailles en chercher 2 par année. Puis il y a certaines années, il faut que tu ailles en chercher 3. Là, à ce moment-là, tu amènes vraiment de l'eau au moulin à ton directeur gérant. Mais Timmons, il y a eu des périodes où la moyenne était en bas de 1. Mais de 2003 à 2007, il en a amené beaucoup. Mais après ça, de 2008 jusqu'à aujourd'hui, ben, on va laisser faire les 3-4 dernières années parce qu'on ne le disait pas encore. Mais de 2008 à 2016 à peu près, écoute, la moyenne n'est pas forte. Dans les années 90, c'était pas fort non plus. Dans les années de Serge Chavard, rappelle-toi, là, on va remonter loin. Là, mais le principe est le même. Le principe est le même. Je vais t'arriver avec des noms. David Wilkie, Lindsay Vallis, Terry Ryan. T'avais qui aussi? Ah, c'était pas fort, là. Wilkie, Brent Vallis, Bilodeau. Brent Bilodeau. Mais il était capable de se rattraper avec le deuxième, troisième round. Il faisait d'excellents choix, le deuxième, troisième round. Donc, c'était ouais. André Boudria qui était là dans le temps, je pense. Donc... Oui, mais rappelle-toi, Danny, il y avait moins de clubs. Oui. Fait que la deuxième. Mais tu avais moins de joueurs en Allemagne. Oui, mais tu n'avais pas des, ouais. des joueurs en Allemagne. Tu avais moins joueurs. De joueurs. Tu avais ouais. moins de joueurs en Russie. Tu avais moins de joueurs aussi. Là. Mais la déchéance du Canadien à la fin des années 90, ouais. oui, Réjean Houle a fait des échanges bêtes, mais la déchéance a quand même été un petit peu. Ça a contribué là, les noms que tu as nommés. Ça fait beaucoup de choix de première ronde qui ont été gaspillés par le Canadien. Ouais, les Canadiens, pendant un certain temps, ils ont eu deux super repêchages, 84 et 87. Corson en 84 et 87, c'était. Ben écoute, il y a eu quatre joueurs en 84. Puis Corson, quatre joueurs en 87. Svoboda, Richer, je pense, en 84. Oui, puis en 87, tu avais Leclerc, Castles. Leclerc n'est pas devenu bon ouais. à Montréal, mais ils l'ont quand même pris. Éric Desjardins, Mathieu ouais. Schneider. Et ça, veut pas, ça a été des repêchages absolument incroyables. Les gars ont joué presque 1000 matchs. Ouais. Après ça, quand il y a eu la fameuse disette là, de Wilkie, Bilodeau, Vallis et compagnie, oh. mais ça a fait en sorte que Savard a commencé à être obligé de faire des échanges. Un peu le principe aujourd'hui. Oui, il est allé chercher Mark Recchi, Vincent Danfous, ouais. Brian Bellows. Puis bon, ça a donné la Coupe Stanley. Mais après ça, ça a piqué du nez assez rapidement, si tu te ouais. rappelles. Ouais. Parce qu'en 1995, ouais. ils ont manqué les séries. Puis après ça, ils avaient une fiche d'aucune victoire, quatre défaites, quand Serge Chavard a été congédié. Donc, ça s'en allait dans la mauvaise direction. Puis Réjean Houle a vraiment fini la démolition. C'est incroyable. Ouais. Hey, deux, trois petits points rapidement. Qui tu vois comme directeur du recrutement? Le nom de Daniel Doré est mentionné. Est-ce que ce serait un bon joueur? Daniel Doré, c'est l'ancien joueur des Nordiques, apparemment, qui est très bon comme recrutement. Est-ce que c'est pas la première fois que je l'entends, celui-là. Là. Est-ce qu'un gars comme Jean-Philippe Claude, qu'on voit souvent avec à la télévision, pourrait être un candidat intéressant? Il me semble qu'il est bon, lui. Pas obligé d'être un Québécois, Marc Bien. Là. Moi, je vais te dire, bien honnêtement, Danny, contrairement à des gens, mettons, comme les gens qui travaillent pour Athlétique, ouais. TSN, Hockey News, moi-même, on publie des listes que tout le monde peut voir pendant l'année. Donc, on est capable de dire, on fait des comparaisons, ça c'est un bon choix, ça c'est un mauvais choix. Les gars que tu viens de nommer, les Doré, Glaude et compagnie, on ne les voit pas leur liste. Alors, on peut marcher par réputation, qu'est-ce qu'on entend dire, mais nous, on ne peut pas arriver et dire il devrait embaucher un tel ou un tel ou un tel parce qu'on ne le sait pas. On n'est pas dans les réunions. On ne voit pas les listes. Alors, ouais. Je ne peux pas répondre à cette question-là. OK. Joshua Roy, on apprend une bonne nouvelle aujourd'hui. Invité au camp d'entraînement de l'équipe Canada Junior. Est-ce que c'est un vol? Moi, je pense que, avant de dire que c'est un vol, là, calmons-nous. Là. Sauf que, es-tu d'accord avec moi qu'il risque d'avoir des surprises parce que l'année bizarre de COVID qu'on a eu l'année passée, les joueurs ont été mal évalués, puis Joshua Roy pourrait être Nathan? Écoute, je dis pas que c'est lui, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu peux arriver, Il va y avoir des choses bizarres qui vont se passer parce que l'Ontario n'a pas joué du tout. Donc, tu pourrais avoir un choix de septième ronde dans 10 ans qu'on parle, qu'on va évaluer le repêchage de 2021. Ça va être le meilleur joueur et il va être repêché en septième ronde en raison de cette année-là bizarre. Là. Donc, Là, à ce moment-là, il faudra faire une comparaison par rapport à ce qui se passe habituellement. Combien de choix de 6-7e ronde deviennent bons dans une année normale et combien seront devenus bons en 2021? C'est là qu'on a la réponse dans 5-6 ans. Pour ce qui est de Joshua Roy, pour moi, un vol, c'est quand le gars a atteint la ligne nationale et qu'il performe. Johnny Gaudreau en 6e ronde, on peut dire que c'est un vol, ça? Oui, exactement. Dans le cas de Joshua Roy, c'est sûr que tu parles du joueur qui, il y a 3 ans, qui était le meilleur midget au Québec. Et on parlait de lui comme un choix top 10 au repêchage de la Ligue nationale. Ouais. Et là, à sa saison de 16 ans, ça s'est un petit peu estompé. Puis à sa saison de 17, là, il a chuté en 5e ronde. Est-ce qu'il méritait de partir en 5e ronde? Moi, je ne pense pas. Personnellement, si tu me l'avais demandé, je l'aurais pris, moi, peut-être fin 2e, début 3e. Alors, mais il a quand même chuté parce que à Saint-John, là, Il y a eu des problèmes avec les joueurs dans le sens que on va chercher beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui viennent, qui disent toujours qu'ils s'en vont dans les universités américaines. On les prend en 4, 5, 7 rondes, puis whoops, tout d'un coup, les gars signent à St. John après avoir dit aux autres équipes qu'ils ne voulaient pas y aller. Et d'après moi, pour ça, on leur promet beaucoup de temps de glace. Où je m'en vais avec ça, c'est qu'à un moment donné, du temps de glace, dans un top 6, il y a juste 6 joueurs. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a eu du brouhaha un peu à St. John. Puis, on parle parce d'attitude que vraiment... aussi. On parle qu'il n'y avait pas, c'est pas le gars qui avait la meilleure attitude non. L'an passé. Là. C'est mais ça qu'on dit. Rendu à Sherbrooke, ça a commencé à beaucoup exactement. Mieux aller. C'est ça qu'on dit. Alors, peut-être que le climat n'était pas très bon à là-bas. Puis, c'est vrai que peut-être que ça a été un réveil pour lui. Parce que c'est un gars talentueux qui a probablement eu tout facile. Puis là, à un moment donné, ben, tu frappes un mur. Et puis, il fallait qu'il travaille plus fort. Il a travaillé plus fort. Il est le meilleur pointeur en ce moment. Parce qu'il y a une chance logique d'être à Team Canada. Il a bien fait au match des recrues, d'ailleurs. Oui, ouais, c'est parce qu'il y a une chance de faire Team Canada. Je pense qu'il y a une chance, mais ce n'est pas certain non plus. Okay. Mais parce qu'on y bat beaucoup avec les joueurs de 19 ans à Team Canada. Mais je pense qu'il y a une chance légitime de faire, dépendant comment on veut concocter les trios. Okay. Snake, on va se reparler dans le temps des fêtes au moins une fois ou deux, parce que dans le temps des fêtes, on va publier évidemment le choix de ton top 10 des meilleurs choix du Canadien. Encore une fois, c'est toujours le fun, ça. Et aussi, on va parler du championnat du monde de hockey junior. Bien, certain. Notre ami Snake Boisvert qui nous parlait évidemment de l'arrivée de Jeff Gordon à la tête du Canadien de Montréal. Merci, Snake. Très intéressant. C'était satisfait? Oui, toujours le fun de te parler. Ben, ouais, on a aujourd'hui, j'ai parlé avec... Incroyable, hein, les médias. Hey, je suis seul au Québec qui a parlé de Frank Williams. Tu sais, qui est allé chercher des réactions, qui est allé chercher. Hey, quand tu es rendu à parler de Caroline Ouellette, là. Quand tu es rendu à parler de Caroline Ouellette, là, c'est pas fort, là. Frank Williams, c'est vrai, c'était le propriétaire du quand Jacques Villeneuve a gagné, ben oui. C'est lui qui a fait confiance en Jacques Villeneuve. Fait que, puis on a vécu des maudites belles années en course automobile à cause de Jacques Villeneuve. Puis c'est qui est allé chez Jacques Villeneuve? C'est Frank Williams qui a donné la chance. Frank Williams. Mais depuis dimanche, là. C'est débile. Écoute, les Alouettes ont été éliminées. Tu vas me dire que c'est une ligue mineure, là. Mais quand même, les Alouettes ont été éliminées. Ça a passé comme un couteau dans du beurre. Il n'y a absolument rien qui a intéressé personne. Il y a eu 1000 signatures d'agents libres au baseball, des contrats de 300 millions. Non, personne ne s'occupe de rien. Je le sais, c'est le même. Non, mais tu sais, c'est là que je débarque. C'est là que j'aime autant avoir mon petit podcast que de travailler dans une entreprise comme le TVA Sport 91.9 que tu es obligé de radoter puis de manquer de sérieux. Hey, Jean-Charles a fait une émission sur Caroline Ouellette, DG du Canadien. Pourquoi? Il voulait l'avoir DG du Canadien. OK, c'est les affaires de féministes, là, maintenant? Oui, mais tu sais, soyons sérieux, là. Tu sais, on peut être sérieux, ouais. J'aime autant avoir mon petit podcast, tant qu'à ça, pour faire ma petite affaire, d'appeler Patrick Carpentier, puis c'est quoi ta réaction, puis se rappeler des bonnes années. Parler de baseball. Avec toi. De baseball, parce que hier, j'ai fait le tour avec Pierre Arsenault des signatures. Il y a eu 1000 signatures, puis les joueurs autonomes, puis là, le conflit de travail, puis... Ben oui, il y a un lockout ce soir, personne n'en parle. Personne n'en parle. Les Alouettes, ils n'ont même pas fait le bilan, c'est parce qu'ils savent que ça va passer dans le bar. Ah oui. Ils font bien. Fait que, tu sais, c'est ça. Maintenant, oui, je peux croire que le Canadien, ça vient. C'est une passée, mais je ne suis pas rien que Stéphane Cadorette, c'est une passée. Parce qu'il est en tabarnak parce qu'il est écœuré que je chie chez les journalistes. Puis moi, je suis écœuré que les journalistes chient sur le monde. Fait que ça a fait toute qu'une fête, hein. Ah oui. Tu sais, je disais que je riais que le monde, que les journalistes embarquaient avec l'histoire des Nordiques. Ils disent, voyons donc, soyons sérieux. Là. Les Nordiques ne reviendront pas à Québec. Et là, ça l'a comme choqué. Là. Et c'est ça pareil, ils ne reviendront pas. C'était l'histoire des Nordiques du retour puis le ministre des Nordiques. Là. C'est ridicule. Là. Ah oui. Hein? Ouais. C'est un ridicule total. Bon, ben merci beaucoup, on s'en reparle. Salut, Danny. Salut, c'est bon, Snake. Ah. C'est bon.